Troisième journée, chapitre 1. Par ce matin de beau dimanche d'août, chaud et clair, M. de Guersin, dès 7 heures, se trouva levé et tout vêtu, dans l'une des deux petites chambres qu'il avait eu la bonne chance de louer, au 3e étage de l'hôtel des Apparitions, rue de la Grotte. Il s'était couché dès 11 heures, il se réveillait très gaillard. Et tout de suite, il passa dans l'autre chambre, celle que Pierre occupait. Mais celui-ci rentrait à 2 heures du matin, le sang brûlé par l'insomnie, ne s'était assoupi qu'au jour et dormait encore. Sa soutane, jetée au travers d'une chaise, ses autres vêtements épars, disaient sa fatigue et son trouble. « Eh bien, quoi donc, paresseux ? » cria gaiement M. de Guersin. « Vous n'entendez pas les cloches sonner ?» Pierre s'éveilla en sursaut, surpris de se voir dans cette étroite chambre d'hôtel que le soleil inondait. En effet, par la fenêtre laissée entr'ouverte, entrait le branle joyeux des cloches, toute la ville sonnante et heureuse. « Jamais nous n'aurons le temps d'être avant 8 heures à l'hôpital pour prendre Marie, car nous allons déjeuner, n'est-ce pas ?»« Sans doute. Commandez vivement 2 tasses de chocolat, et je me lève, je ne serai pas long. » Quand il fut seul, Pierre, malgré la courbature dont ses membres étaient brisés, sauta du lit, se hâta. Il avait encore la face au fond de la cuvette, se trempant d'eau froide, lorsque M. de Guersin, qui ne pouvait rester seul, reparut. « C'est fait, on va nous monter ça. Ah, cet hôtel, avez-vous vu le propriétaire, le sieur Majesté, tout de blanc vêtu et si digne dans son bureau ? Il paraît qu'ils sont débordés, jamais ils n'ont eu tant de monde. Aussi, quel bruit infernal ! 3 fois ils m'ont réveillé cette nuit. Je ne sais pas ce qu'on peut bien faire dans la chambre voisine de la mienne. Tout à l'heure encore, il y a eu un coup dans le mur, et puis des chuchotements, et puis des soupirs. » Il s'interrompit pour demander « Vous avez bien dormi, vous ?»« Mais non, » répondit Pierre. « J'étais écrasé de lassitude et il m'a été impossible de fermer les yeux. Sans doute, c'est tout ce vacarme dont vous parlez. » À son tour, il dit les cloisons minces, la maison bondée et craquante de ce monde qu'on y empilait. C'étaient des heurts inexplicables, des courses brusques dans les couloirs, des pas pesants, de grosses voix qui montaient on ne savait d'où. Sans compter les gémissements des malades, les toux, les horribles toux, qui de toutes parts semblaient sortir des murailles. Évidemment, d'un bout de la nuit à l'autre, des gens rentraient et ressortaient, se levaient et se recouchaient, car il n'y avait plus d'heure. On vivait dans le dérèglement des secousses passionnées, allant à la dévotion comme on serait allé au plaisir. « Et Marie, comment l'avez-vous laissée hier soir ?» demanda de nouveau M. de Guersin. « Beaucoup mieux, » dit le prêtre. « Après une terrible crise de désespoir, elle a retrouvé tout son courage et toute sa foi. » Il y eut un silence. « Oh, je ne suis pas inquiet, » reprit le père, avec son optimisme tranquille. « Vous verrez que ça marchera très bien. Moi, je suis ravi. J'avais demandé à la Sainte Vierge sa protection pour mes affaires. Vous savez, ma grande invention des ballons dirigeables. Eh bien, si je vous disais qu'elle m'a déjà témoigné sa faveur ? Oui. Hier soir, comme je causais avec l'abbé des Hermoises, est-ce qu'il ne m'a pas offert de me trouver un bailleur de fonds à Toulouse, un de ses amis immensément riches qui s'intéresse à la mécanique ? Tout de suite, j'ai vu là le doigt de Dieu. » Et il riait de son rire d'enfant. Puis il ajouta « Un homme si charmant, cet abbé des Hermoises. Je vais me renseigner pour savoir si nous ne pourrions pas faire ensemble l'excursion du cirque de Gavarnie, à bon compte. » Pierre, qui voulait tout payer, l'hôtel et le reste, le poussa amicalement. « Sans doute, ne manquez pas cette occasion de visiter les montagnes, puisque vous le désirez tant. Votre fille sera si heureuse de vous savoir heureux. » Mais ils furent interrompus. Une servante leur apportait les deux tasses de chocolat avec deux petits pains sur un plateau garni d'une serviette. Et comme elle avait laissé la porte ouverte, on apercevait une partie du couloir en enfilade. « Tiens, on fait déjà la chambre de mon voisin, » remarqua M. de Guersin, curieux. « Et il est marié, n'est-ce pas ?» La servante s'étonna. « Oh non, il est tout seul. » « Comment tout seul? Mais il n'a pas cessé de remuer, et l'on causait, l'on soupirait chez lui ce matin. »« Ce n'est pas possible, il est tout seul. Il vient de descendre après avoir donné l'ordre qu'on fasse sa chambre vivement. Et il n'y a bien qu'une pièce avec un grand placard dont il a emporté la clé. Sans doute qu'il a serré là des valeurs. » Elle s'oubliait à bavarder en disposant les deux tasses de chocolat sur la table. « Oh, un monsieur comme il faut! L'année dernière, il avait retenu un des petits pavillons isolés que Monsieur Majesté loue dans la ruelle voisine. Mais cette année, il s'y est pris trop tard. Il a dû se contenter de cette chambre, ce qui l'a vraiment désespéré. Et comme il ne veut pas manger avec tout le monde, il se fait servir chez lui, il boit du bon vin, mange de bons morceaux. « C'est ça !» conclut gaiement Monsieur de Guersin. Il aura trop bien dîné tout seul hier soir. » Pierre avait écouté. « Et de mon côté à moi, est-ce qu'il n'y a pas deux dames avec un monsieur et un enfant qui a une béquille ?»« Oui, monsieur l'abbé, je les connais. La tante, madame Chaise, a pris l'une des deux chambres, tandis que monsieur et madame Vigneron, avec leur fils Gustave, ont dû s'entasser dans l'autre. C'est la seconde année qu'ils viennent. Oh, des gens tout à fait bien aussi. » Pendant la nuit, Pierre avait en effet cru reconnaître la voix de M. Vigneron, que la chaleur devait incommoder. Puis, la bonne étant lancée, elle indiqua les autres locataires du couloir. À gauche, un prêtre, une mère avec ses trois filles, un ménage de vieilles gens. À droite, un autre monsieur seul, une jeune dame seule, toute une famille encore, cinq enfants en bas âge. L'hôtel était plein jusqu'aux mansardes. Les bonnes, qui avaient abandonné leur chambre aux clients, dormaient toutes en tas dans la buanderie. On avait mis la nuit dernière des lits de sangle sur les paliers de chaque étage. Même un honorable ecclésiastique s'était vu forcé de coucher sur un billard. Quand la servante se fut enfin retirée, et que les deux hommes eurent pris leur chocolat, M. de Guersin s'en alla dans sa chambre se laver de nouveau les mains, car il était très soigneux de sa personne. Et Pierre, resté seul, attiré par le clair soleil du dehors, sortit un instant sur les trois balcons. Toutes les chambres du troisième étage, de ce côté de l'hôtel, se trouvaient ainsi pourvues d'un balcon à balustrade de bois découpé. Mais sa surprise fut extrême. Sur un balcon voisin, celui qui correspondait à la chambre occupée par le monsieur tout seul, il venait de voir une femme allonger la tête, et il avait reconnu madame Volmar. C'était bien elle, son visage long, ses traits fins et tirés, ses yeux larges, magnifiques, des brasiers, où par moments passait comme un voile une moire qui semblait les éteindre. Elle avait eu un sursaut de peur en le reconnaissant. Lui-même, très gêné, désolé de la bouleverser ainsi, s'était retiré en hâte. Et il comprenait tout dans une clarté brusque. Le monsieur, n'ayant pu louer que cette chambre, y cachant sa maîtresse à tous les yeux, l'enfermant dans le vaste placard pendant qu'on faisait le ménage, la nourrissant des repas qu'on lui montait, buvant avec elle au même verre, et les bruits de la nuit s'expliquaient, et ce serait ainsi pour elle 3 jours d'absolu emprisonnement, d'affolée passion, au fond de cette pièce murée. Sans doute, le ménage fini, elle s'était risquée à rouvrir le placard de l'intérieur, à allonger la tête, afin de regarder dans la rue si son ami ne revenait pas. C'était donc pour ça qu'on ne l'avait pas vue à l'hôpital, où la petite madame des agneaux la demandait sans cesse. Pierre, immobile, le cœur troublé, fut envahi d'une rêverie inquiète, en songeant à cette existence de femme qu'il connaissait, cette torture de la vie conjugale à Paris, entre une belle-mère farouche et un mari indigne. Puis ces 3 seuls jours d'entière liberté par an, cette brusque flambée d'amour sous le prétexte sacrilège de venir à Lourdes servir Dieu. Des larmes qu'il ne s'expliquait même pas, des larmes montées du plus profond de son être, de sa chasteté volontaire, lui avaient empli les yeux dans un sentiment d'immense tristesse. « Eh bien, y sommes-nous ? » cria joyeusement M. de Guersin en reparaissant, ganté, serré dans son veston de drap gris. « Oui, oui, nous partons !» dit Pierre, qui se détourna, cherchant son chapeau pour s'essuyer les yeux. Et comme ils sortaient, ils entendirent à gauche une voix grasse qu'ils reconnurent, la voix de M. Vigneron, en train de réciter, très haut, les prières du matin. Mais une rencontre les intéressa. Ils suivaient le couloir lorsqu'ils se croisèrent avec un monsieur d'une 40aine d'années, fort et trapu, la face encadrée de favoris corrects. D'ailleurs, il gonfla le dos, il passa si vite qu'ils ne purent distinguer ses traits. Il portait un paquet à la main, ficelé soigneusement, et il glissa la clé, referma la porte, disparut comme une ombre, sans bruit. Monsieur de Guersin s'était retourné. « Tiens, le monsieur seul, et il doit revenir du marché, il se rapporte des gourmandises. » Pierre feignit de ne pas entendre, car il jugeait son compagnon trop léger pour le mettre dans la confidence d'un secret qui n'était pas le sien. Puis, une gêne lui venait, une sorte de terreur pudique à l'idée de cette revanche de la chair, qu'il savait là désormais, au milieu de la mystique exaltation dont il se sentait enveloppé. Ils arrivèrent à l'hôpital, juste au moment où l'on descendait les malades pour les conduire à la grotte. Et ils trouvèrent Marie très gaie, ayant bien dormi. Elle embrassa son père, le gronda, quand elle sut qu'il n'avait pas encore décidé son excursion à Gavarni. S'il n'y allait pas, il lui ferait beaucoup de chagrin. D'ailleurs, elle disait, de son air reposé et souriant, qu'elle ne serait pas guérie ce jour-là. Ensuite, elle supplia Pierre de lui obtenir la permission de passer la nuit suivante devant la grotte. C'était une faveur, souhaitée ardemment de toutes, qu'on accordait avec quelque peine au seul protégé. Après s'être récrié, inquiet pour sa santé d'une nuit entière à la Belle Étoile, il dut lui promettre de faire la démarche en la voyant subitement très malheureuse. Sans doute, elle n'espérait se faire entendre de la Sainte Vierge que seule à seule, dans la paix souveraine des ténèbres. Et ce matin-là, à la grotte, lorsque tous les 3 y eurent entendu une messe, elle se trouva si perdue parmi les malades qu'elle voulut être ramenée à l'hôpital dès 10 heures, en se plaignant d'avoir les yeux fatigués par le grand jour. Quand son père et le prêtre l'eurent réinstallée dans la salle Sainte-Honorine, elle leur donna congé pour la journée entière. « Non, ne venez pas me chercher. Je ne retournerai pas à la grotte cet après-midi. C'est inutile. Mais ce soir, dès 9 heures, vous serez là pour m'emmener, n'est-ce pas, Pierre ? C'est convenu, vous m'avez donné votre parole. » Il répéta qu'il tâcherait d'obtenir la permission, qu'il s'adresserait au père Fourcade s'il le fallait. « Alors, mignonne, à ce soir !» dit à son tour M. de Guersin en l'embrassant. Et ils la laissèrent, très tranquille, dans son lit, l'air absorbé, avec ses grands yeux rêveurs et souriants, perdus au loin. Lorsqu'ils rentrèrent à l'hôtel des apparitions, il n'était pas 10h30. M. de Guersin, que le beau temps ravissait, parla de déjeuner tout de suite pour se lancer le plus tôt possible au travers de Lourdes. Mais il tint cependant à remonter dans sa chambre. Et, comme Pierre l'avait suivi, ils tombèrent au milieu d'un drame. La porte des vignerons était grande ouverte. on apercevait le petit Gustave allongé sur le tapis qui lui servait de lit. Il était livide. Il venait d'avoir un évanouissement qui avait fait croire un instant au père et à la mère que c'était la fin. Madame Vigneron, affaissée sur une chaise, restait hébétée de la peur qu'elle avait eue. Tandis que, lancé par la chambre, Monsieur Vigneron bousculait tout en préparant un verre d'eau sucrée dans lequel il versait des gouttes d'un élixir. Mais comprenait-on cela? Un garçon encore très fort, s'évanouir de la sorte, devenir blanc comme un poulet? Et il regardait Madame Chaise, la tante, debout devant le canapé, l'air bien portant ce matin-là. Et ses mains tremblaient davantage, à l'idée sourde que, si cette bête de crise avait emporté son fils, l'héritage de la tante, à cette heure, n'aurait plus été à eux. Il était hors de lui. Il desserra les dents de l'enfant, lui fit boire de force tout le verre. Pourtant, lorsqu'il l'entendit soupirer, sa bonhomie paternelle reparut. Il pleura, l'appela son petit homme. Alors, Madame Chaise s'étant approchée, Gustave la repoussa d'un geste de haine brusque, comme s'il avait compris la perversion inconsciente où l'argent de cette femme jetait ses parents. Blessée, la vieille dame s'assit à l'écart, pendant que le père et la mère, maintenant rassurés, remerciaient la Sainte Vierge de leur avoir conservé ce mignon, qui leur souriait de son sourire fin et si triste, sachant les choses, n'ayant plus à 15 ans le goût de vivre. « Pouvons-nous vous être utiles ?» demanda Pierre obligeamment. « Non, non, merci bien, messieurs, » répondit Monsieur Vigneron, qui sortit un instant dans le couloir. « Oh, nous avons eu une alerte. Songez donc, un fils unique, et qui nous est si cher !» Autour d'eux, l'heure du déjeuner mettait en branle la maison entière. Toutes les portes tapaient, les couloirs et l'escalier résonnaient de continuelles cavalcades. 3 grandes filles passèrent dans le vent de leurs jupes. Des enfants en bas âge pleuraient au fond d'une chambre voisine. Puis, c'étaient de vieilles gens affolés, des prêtres éperdus, sortant de leur caractère, soulevant leur soutane à pleines mains pour courir plus vite. Du bas en haut, les planchers tremblaient sous la charge trop lourde des gens entassés. Et une servante, qui portait tout un déjeuner sur un grand plateau, étant venue frapper à la porte du monsieur seul, cette porte mit longtemps à s'ouvrir. Enfin, elle s'entrebâilla, laissa voir la chambre calme, où le monsieur était seul, tournant le dos. Et quand la servante se retira, elle se referma sur elle, discrètement. « Oh, j'espère bien que c'est fini et que la Sainte Vierge va le guérir !» répétait Monsieur Vigneron, qui ne lâchait plus ses deux voisins. « Nous allons déjeuner, car je vous avoue que ça m'a creusé l'estomac. J'ai une faim terrible !» Lorsque Pierre et Monsieur de Guersin descendirent, ils eurent le désagrément de ne pas trouver le moindre bout de table libre dans la salle à manger. La plus extraordinaire des cohues s'entassait là, et les quelques places vides encore étaient retenues. Un garçon leur déclara que de 10 heures à 1 heure, la salle ne désemplissait pas sous l'assaut des appétits, aiguisée par l'air vif des montagnes. Ils durent se résigner à attendre, en priant le garçon de les prévenir dès qu'il y aurait 2 couverts vacants. Et, ne sachant que faire, ils allèrent se promener sous le porche de l'hôtel, béant sur la rue, où défilait sans arrêt toute une population endimanchée. Mais le propriétaire de l'hôtel des apparitions, le sieur Majesté en personne, apparut, tout vêtu de blanc, et avec une grande politesse, « Si ces messieurs voulaient attendre au salon ?» C'était un gros homme de 45 ans qui s'efforçait de porter royalement son nom. Chauve, glabre, les yeux bleus et ronds dans un visage de cire, aux 3 mentons étagés, il montrait une grande dignité. Il était venu de Nevers avec les sœurs qui desservaient l'orphelinat, et il avait épousé une femme de Lourdes, petite et noire. À eux deux, en moins de 10 ans, ils avaient fait de leur hôtel une des maisons les plus cossues, les mieux fréquentées de la ville. Depuis quelques années, ils y avaient joint un commerce d'articles religieux qui occupait, à gauche, tout un vaste magasin et que tenait une jeune nièce sous la surveillance de Madame Majesté. Ces messieurs pourraient s'asseoir au salon, répéta l'hôtelier, que la soutane de pierre rendait très prévenant. Mais tous deux préféraient marcher, attendre debout au grand air. Et alors, Majesté ne les quitta pas, voulut causer un instant avec eux, comme il le faisait d'habitude avec les clients qu'il désirait honorer. La conversation roula d'abord sur la procession aux flambeaux du soir, qui promettait d'être superbe par ce temps admirable. Il y avait plus de 50 000 étrangers dans Lourdes. Des promeneurs étaient venus de toutes les stations d'eau voisines, et cela expliquait l'encombrement des tables d'hôtes. Peut-être la ville allait-elle manquer de pain, comme cela était arrivé l'année d'auparavant. « Vous voyez la bousculade, » conclut Majesté. « Nous ne savons où donner de la tête. Ce n'est vraiment pas de ma faute si l'on vous fait attendre un peu. » À ce moment, le facteur arriva avec un courrier considérable, un paquet de journaux et de lettres qu'il posa sur une table dans le bureau. Puis, comme il avait gardé à la main une dernière lettre, il demanda « Vous n'avez pas ici, Madame Maz ?»« Madame Maz, » répéta l'hôtelier. « Non, non, certainement. » Pierre avait entendu, et il s'approcha pour dire « Madame Maz, il y en a une qui doit être descendue chez les sœurs de l'Immaculée Conception, les sœurs bleues, comme on les appelle ici, je crois. » Le facteur remercia et s'en alla. Mais un sourire amer était monté aux lèvres de Majesté. « Les sœurs bleues, » murmura-t-il. « Ah, les sœurs bleues !» Il jeta un coup d'œil oblique sur la soutane de pierre, puis s'arrêta net dans la crainte d'en trop dire. Son cœur pourtant débordait. Il aurait voulu se soulager, et ce jeune prêtre de Paris, qui avait l'air d'être d'esprit libre, ne devait pas faire partie de la bande, comme il nommait tous les servants de la grotte, tous ceux qui battaient monnaie avec Notre-Dame de Lourdes. Peu à peu, il se risqua. « Monsieur l'abbé, je vous jure que je suis bon catholique. Ici, d'ailleurs, nous le sommes tous. Et je pratique, je fais mes Pâques. Mais, en vérité, je dis que des religieuses ne devraient pas tenir un hôtel. Non, non, ce n'est pas bien. » Et il exhala sa rancune de commerçant, atteint par une concurrence déloyale. « Est-ce que ces sœurs de l'Immaculée Conception, ces sœurs bleues, n'auraient pas dû s'en tenir à leur vrai rôle, la fabrication des hosties, l'entretien et le blanchissage des linges sacrés? Mais non, elles avaient transformé leur couvent en une vaste hôtellerie, où les dames seules trouvaient des chambres séparées, mangeaient en commun quand elles ne préféraient pas se faire servir à part. Tout cela était très propre, très bien organisé et pas cher, grâce aux 1000 avantages dont elles jouissaient. Aucun hôtel de Lourdes ne travaillait autant. Enfin, est-ce que c'est convenable? Des religieuses se mêlaient de vendre de la soupe. Ajoutez que la supérieure est une maîtresse femme. Lorsqu'elle a vu la fortune venir, elle l'a voulu pour sa maison seule. Elle s'est séparée résolument des pères de la grotte qui s'efforçaient de mettre la main sur elle. Oui, monsieur l'abbé, elle est allée jusqu'à Rome. Elle a eu gain de cause. Elle empoche maintenant tout l'argent des additions. Des religieuses, mon Dieu, louer des chambres garnies et tenir une table d'hôte. » Il levait les bras au ciel, il suffoquait. « Mais, » finit par objecter doucement Pierre, « puisque votre maison regorge, puisque vous n'avez plus de libre ni un lit ni une assiette, où mettriez-vous donc les voyageurs s'il vous en arrivait encore ?» Majesté se récria vivement. « Ah, monsieur l'abbé, on voit bien que vous ne connaissez pas le pays. pendant le pèlerinage national. C'est vrai, nous travaillons tous, nous n'avons pas à nous plaindre. Mais cela ne dure que 4 ou 5 jours. Et dans les temps ordinaires, le courant est moins fort. Oh, moi, Dieu merci, je suis toujours satisfait. La maison est connue, elle vient sur le même rang que l'hôtel de la grotte, où il s'est fait déjà 2 fortunes. N'importe, c'est vexant de voir ces sœurs bleues écrémer la clientèle, nous prendre des dames de la bourgeoisie qui passent à Lourdes des 15 jours, des 3 semaines, et cela aux époques tranquilles, quand il n'y a pas beaucoup de monde. Vous comprenez, n'est-ce pas? Des personnes bien élevées, qui détestent le bruit, qui vont prier à la grotte toute seule pendant des journées entières, et qui payent largement, sans marchander jamais.